j'ai senti mes romans assassiner mes princes charmants. J'ai effacé les empreintes et les regrets amers des amours blessés. Je m'étais fait le serment.